11, 24, observation, futur immédiat et passé immédiat. Aller, venir de. Origine, venir de plus nom. 1. Mireille vient de l'Institut. Passé immédiat, venir de, avec un verbe. 2. Elle vient de sortir de l'Institut. 3. Robert vient des États-Unis. 4. Il vient d'arriver à Paris. Remarquez que dans les phrases 2 et 4, le verbe venir indique un passé immédiat. C'est une construction semblable à la construction avec aller qui indique un futur immédiat. Vous voyez, leçon 3. Passé immédiat, elle vient de sortir. Futur immédiat, elle va sortir.